Le marché IGA, Denis Cloutier a décidé de fêter en grand la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin avec des spéciaux imbattables. Cuisse de poulet à 99 cents de la livre. La crème glacée de plusieurs marques comme Kit Kat, Rolo et autres à seulement 97 cents. La pizza surgelée Mike's à 5,98 $. Le marché Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril à Normandin. Monsieur Denis Cloutier et tout le personnel souhaite la meilleure des chances aux organisateurs de la classique Jeannie Larouche Family Prix et invite toute la population à participer aux activités. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien. Serge, en fin de semaine, c'est la PGA, c'est le tournoi, évidemment. C'est le championnat de la PGA, c'est quoi en fait? C'est ceux-là qui ont réussi à avoir le plus de points? Comment ça fonctionne? Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a quatre tournois qui comptent comme les tournois du Grand Chelem dans le monde du golf. Ouais. Alors, t'as toujours l'Augusta, qui est le tournoi des maîtres, le US Open, le British Open et le championnat de la PGA, qui est considéré comme un des quatre tournois majeurs pour les golfeurs professionnels. OK. Dis-moi, c'est où cette année, hein? C'est à Saint-Louis, au Missouri. OK. Puis, c'est-tu une question de terrain que c'est? Ah, ben écoute, ça m'a tout l'air que c'est un terrain pas facile, mais ils sont tellement bons, les gars, qu'à un moment donné, le meneur, là, il s'appelle Gary Woodland. Il est moins 10 après deux rondes. Okay. Alors, évidemment, là, après la journée d'aujourd'hui, on va faire la coupure. Oui. Puis la coupure devrait se faire à égalité. Okay. Alors, tous ceux qui sont à égalité et en dessous du par vont participer aux deux rondes de fin de semaine. Okay. Un gars comme Phil Mickelson, là, probablement qu'il ne sera pas là en fin de semaine parce qu'aux dernières nouvelles, il était plus 3. Ouais. Puis ça va se faire à égalité. Donc, on va oublier Phil Mickelson pour la fin de semaine. Par contre, Tiger Woods est moins 3. Okay. Alors, lui, là, normalement, à moins d'une malchance, il va faire la cote, comme on dit, puis il va jouer en fin de semaine. De là à gagner, là, il peut être à 5, 6, 7 coups du meneur, mais il reste qu'au moins, il va faire les 4 jours du tournoi. OK, donc c'était ça. Tiger va bien, lui, hein? Ah, il va bien, honnêtement, là. Je le regarde jouer cet après-midi, là. Puis, il y a du monde qui le suit. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, il y a un charisme, ce gars-là. Écoute, la PGA s'en est ressenti beaucoup. Tu sais, t'en as quand même des bons. T'as McIlroy, t'as Rory McIlroy, tu as également Bubba Watson. T'en as plusieurs, mais Tiger, c'est Tiger, hein? Un Tiger, là, je veux dire que c'est lui qui attire l'attention. Wow. C'est même rendu qu'à un moment donné, je regardais les titres d'un journal de ce matin, il n'est pas dans la course finir premier, mais c'est lui qu'on met en gros titre. Oui. On ne parlera pas de Gary Woodland, même si c'est le meneur, on va parler de Tiger Woods. Puis je le regardais frapper aujourd'hui, là. Il y a du monde partout qui le suivent à tous les trous. Alors, c'est pas la coqueluche, mais presque. Tu sais, les McIlroy, Jason Day, Jordan Spieth, Dustin Johnson, tous des figures dominantes, ils n'ont pas le charisme d'un Tiger Woods. Non, il se passe de quoi t'intéresser. Là, au moment où on enregistre ce podcast, le tournoi est arrêté en raison de la pluie. Mentalement, ça doit certainement déranger les golfeurs. Hein? Ben, ça dérange certains parce que là, on se demande, là, Tiger Woods allait tellement bien là, qu'on disait qu'il est sur une lancée. Est-ce que l'arrêt, l'interruption pour la deuxième ronde, ça pourrait l'affecter? Probablement pas pour l'empêcher de se classer, mais ça peut changer son jeu. Alors, à un moment donné, pas seulement Tiger Woods, mais pour tout le monde qui n'ont pas terminé, parce qu'il y en a beaucoup qui jouaient ce matin, dont Gary Woodland, lui, il a terminé. Alors, lui, pas besoin de te dire que lui, il n'a pas de problème à moins 10, là, mais les meilleurs pointages de la journée, il y en a deux qui ont joué 63. Ça, c'est moins 7. Okay. C'est Koepka, Brooks Koepka et Charles Schwartzel. Okay. Ça commence à être du golf, ça, là. Alors, ces gars-là ont gagné des positions. Ils sont dans la lutte. Koepka est à moins 8. Schwartzel est à moins 7. Mm. Et là, ben, par la suite, on voit des gars comme Adam Scott, qui est très bien situé. On voit également, tu sais, on voit Gary Woodland, là, qui est à moins 10. Dustin Johnson. Le meilleur golfeur cette année, moins 7. Alors, il est dans la course pour la fin de semaine. Lui-là, il va être intéressant à suivre. Puis les gars d'Annie frappent la balle. Ça n'a pas de bon sens. 325, 330, 340. sais, c'est rendu qu'il rentre avec des petits fers sur des par 5. Et monsieur. Alors, c'est des machines de golf. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui suit ça un peu, des bons joueurs de golf, ils vont dire, ben écoute, on joue bien, mais ces gars-là, là, c'est des, pas des phénomènes, mais presque tellement ils frappent fort puis ils ont du talent. Ah, c'est sûr. Donc, on va suivre ça en fin de semaine pour se reparler lundi ou mardi, Serge, probablement lundi. Bon, lundi, il n'y aura pas de problème, à moins qu'on remette d'une journée, mais normalement, là, qui va gagner au moment où je te parle, je ne sais pas, même si Gary Woodland a un coup d'avance à moins 10, mais ça va être intéressant à suivre toute la fin de semaine. OK, on se reparle donc lundi dans la conclusion de ce tournoi de la PGA. Serge Lutig nous parlait du championnat du monde de la PGA.